est Punchline Party. Capitale de la punchline. Yeah. DKSS, Mr. Aya. J'ai pas touché le trône, donc dire premier boy, j'évite. Je ferai la bise à Sarko le jour où il me sucera la bite. Je baisse les MC, donc je ferai ma pochette disco Nico. Pour être une faux van, même le niant. Je kick aussi long ni long, élimine les MC au hippon. Vous parlez de Karcher, la chatte marine, seul qu'un hippie. Punchline parti, alors je laisse en plein les louchas. Bien sûr que je m'arrache à Miami si je vends autant que Booba. Quand je kick, il n'y aura plus de pâche à quoi que je dise. Tu veux me faire la peau, retour à mon premier disque. Boy, je balance des punchlines, même si un suicide prémédité. Reviens aux premières rimes, quand je n'étais pas premier j'étais. Je kick du matin jusqu'au soir, pas de journée spéciale. Victoire sur tous les terrains, t'as perdu, fallait pas jouer. Quand je fais jouir, en jouant, je cours les MC devant son stud. Flash des rimes planantes et pour ça pas besoin de stu. Une fois de plus pour Aya, je me devais de faire. Encore me donne à fond, plus précis qu'un golfeur. Trop de choses à dire, là le mister, je filter, je file, je meurs, mange des connes. Canardo, appelle-moi réciteur. Prends des risques comme un militaire, je suis mi-leader. À l'ancienne, je vais péter le son dans le baladeur. Trop de rimes. Je persévère à la Edouard, baladure, j'écris des balades mûres. Je suis sûr de pas m'y retrouver car je suis déjà au pied du mur. Enchanté, je suis sûr de rien sauf de balancer ce son. Sur mon mur, je fais des citations, si t'assures. Encore une phase B, le hit, j'assure. Mon but, la Côte d'Azur. Je compte tous vous casser à la Gordon Ramsay. Oh, je rappe sec, le temps passe trop vite. Je baille, tellement ça m'attriste. Je suis dans ma matrice. Point final, comme une actrice. Comme une actrice. Punchline party. On est comme parti. Une actrice. Punchline comme party. Comme une actrice. Comme une actrice. Punchline party, je persévère. On est je mets un train d'avance à tous les haineux. C'est capital du crime. En 25 fois mieux, boy. Ah. DKSS. Je suis sûr de pas m'y retrouver car je suis déjà au pied du mur. Yeah. Petit son comme ça. Freestyle, feed style. C'est la mixtape. Ça passe ou ça casse. Ça passe, ça passe. DKSS. Fan de la fouine, c'était sûr que je le ferais. Un peu de pub.